Et la crowd, ah! Oh, et ce sera, je scrape les punchs, mais ouais, ce sera un peu le cas pour Dessert Gomard, ce mardi noir. Il y avait aussi en première partie le groupe Anti-Fuckword Radio Edit, ARF. Et j'ai adoré la musique et ce sera à suivre pour cette soirée qui avait comme thématique après-ski. Fait que oui, il y aura du fluo à Lesco. Et sinon, je suis aussi allée voir Tiga qui était en spectacle au Théâtre Berry. C'est la fin du Red Bull Music Academy et c'était, hey, ça faisait partie de cette programmation-là. Sinon, écoute, il y a beaucoup trop de spectacles à Montréal et je ne peux me diviser. Et samedi dernier, il y avait effectivement beaucoup de crowd un peu partout. Beaucoup de crowd qui s'énervent aussi. Puisqu'il y avait Trash Talk, que je l'avais mentionné dans mes suggestions de la semaine. Oui, ils jouaient au Matari Loft. Ça a l'air que ça brassait le camarade pas à peu près parce que un de nos animateurs à CISM, Maxime du Char de Marche, pour ne pas nommer, s'est cassé le nez. Et il a mentionné aussi qu'il n'était pas critique de crowd, fait qu'on n'a pas eu le résumé durant le Char de Marche. Fac! Ça veut dire qu'à critique de crowd, il va avoir bientôt un spécial animateur parce que moi, je veux savoir quand le monde se pète des affaires, qu'est-ce qui se passe, parce que moi, ça me tient à cœur quand ça m'arrive à moi autant qu'aux autres. Sinon, le même soir, et je me sens complètement odieuse de même pas en avoir fait mention la semaine dernière, et je l'ai pas mentionné parce que c'était sold out, alors c'était peut-être pour te titiller ou te faire de la peine, bah oui, mais sinon pour tous ceux qui étaient présents, ça devait être tout un spectacle, celui de Barf qui soulignait son 30e anniversaire au Club Soda avec Anonymous, Overbass et Arsenic 33. Je le mentionne aussi parce que ben je pouvais pas y aller, mais je me suis fait justement agacer à potentiellement y aller. Dramatisation, dring dring, ça sonne chez nous, mon téléphone ne fait pas vraiment dring dring, fait que c'est encore plus une dramatisation. Fuck! Là, je réponds puis je réalise que j'ai aucune idée c'est qui. Ah! C'est mon amie Catherine que je réalise qu'on se parle tout le temps sur Facebook et très peu au téléphone. Et là, elle me dit, hey, j'ai deux paires de billets. Je sais pas, je suis fan genre de Arsenic 33, ça va me rappeler mon cégep. Mais je suis pas tant fan de Barf, je les connais pas assez, je me sens indigne d'aller voir le spectacle. Veux-tu y aller à ma place? Et là, je me suis dit, hey, mais voyons donc, mais c'est le fun, mais en même temps, non, vas-y, toi. J'ai trouvé ça tout à fait curieux, drôle, inattendu que quelqu'un ne veuille pas aller voir un spectacle qui, assurément, va être bon. C'est sold out, plein de fans qui vont être heureux de voir le Ben pour le découvrir. Parce que oui, finalement, c'est assez certain. Au moins, il y en avait une dans la crowd qui n'était peut-être pas une fan finie du groupe, qui avait du respect pour, mais qui a réussi à le découvrir de la sorte. Fait que oui, je l'ai convaincu de garder son billet. J'ai dit, c'est pas de revendre à quelqu'un d'autre ou à un fan plus fan que toi, là. Tu vas le découvrir, ça va être agréable. Et j'espère que justement c'était une excellente soirée pour les néophytes et pour les grands amateurs. Et, ah mon Dieu, je peux peut-être déjà le mentionner, ils ont déjà d'autres dates, fait que si t'es comme moi pis t'es a manqué et que t'es à Québec, Repentigny, Drummond, Waterloo, Saint-Eustache, ben ils sont là en novembre et en décembre, fait que vous regardez tout ça sur les internets, mais oui, il y a plusieurs dates, fait que vous pouvez renouer avec Barf abondamment à travers le Québec. Et bien, étant donné que c'est une grosse date, 30e anniversaire, ben j'ai décidé de nous gâter les oreilles et particulièrement celle de Benoît Poirier puisque c'est deux fois Barf. Alors, wow, tabarnak, parce que ça fait toujours plaisir de sacrer en onde dans une chanson de 58 secondes. Et ce sera suivi de, ben, des nouveaux classiques puisque c'est sur leur dernier album sorti en 2014, Brûle, Consume, Torture. La même chanson de l'album. Bonne écoute. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Barbe sur les ondes de la marge. Vous avez entendu Wobo Tabarnak et vous avez aussi entendu Brûle, Consume, Torture. Et ben oui, on vous souhaite encore bonne fête! Bonne fête, Barf! Et vous écoutez Critique de Crowd avec Jolene. Et j'ai mentionné De Sangomas, Mardi Noir et Arf qui étaient en prestation vendredi dernier à Napreski 1989 parce que oui, c'était la thématique Halloweenesque pour l'occasion. Ça avait zéro rapport, mais en tout cas, ah! Comme le lien entre ski, fluo, le rock, je le cherche encore à part le fait de vouloir être drôle. Je dis ça aussi parce que dans cette... merveilleuse Sainte Trinité ou Triangle des Bermudes ou appelle comme tu veux la réunion de la Roquette, le Quai des Brumes et l'Esco. Et il y avait plusieurs thématiques d'Halloween le même soir. Alors, on pouvait voir aller d'un bord à l'autre des gens qui étaient plutôt thématiques bal en blanc. Oui, oui, c'était à prendre à un certain degré. Et des fluos et des gens qui s'habillaient comme bon ça leur semble tout simplement. Là ça veut dire comme bon ça leur semble de façon costume, de façon civile, je m'habille tout à fait normalement. Justement, il me semble que l'Halloween, tu sais, c'est le 31. J'avoue que là, c'est un lundi, fait que c'était pas l'occasion tant de le fêter le vrai jour. Mais oui, oui, on le fête plus la fin de semaine. Mais là, c'est rendu comme, il me semble, toutes les shows que j'ai vues. À Tiga aussi, c'était comme le jeudi. Il y a des costumes, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Et pas non plus... là, il y en a des gens qui vont aller se costumer capine de toutou ou de n'importe quel animal qui peut être en peluche, là. Ben, écoute, oui, dans les shows électro particulièrement, il y en a plusieurs qu'on peut noter dans la crowd. Mais là, cette fois-ci, très, très visiblement, c'était dû à l'Halloween et parfois, comme dans mon cas, dû à la thématique imposée par l'événement. Je dis imposée parce que là, j'étais comme... Eh boy. Moi, dans mon garde-robe, j'ai pas grand-chose de fluo. Fait que là, ça allait super mal. Puis là, je me disais, à quel point je l'assume? Tu sais, justement, l'aspect crowd. Tu sais, si on est juste trois crapets à s'être mis en fluo, ben, tu l'assumes pas à peu près. Et inversement, si tout le monde s'est déguisé puis s'est donné le mot, puis ils sont vraiment intenses, là, ils se sont donnés, ils sont allés voir leurs parents pour aller leur emprunter leur habit de neige d'antan, puis là, ils les ramènent à Montréal. Tu sais, quand il y a eu beaucoup d'intentions, là, vraiment, on participe intensément. Mais c'est aussi gênant dans ce temps-là d'être le seul tata qui a décidé qu'il était au-dessus de ça, lui, se costumer. Il était comme « Non, la mascarade! » Fac, j'étais un peu entre les deux. Je me disais « À quel point je m'habille beaucoup en fluo puis en, ouais, en quétaine? » Ou pas du tout. Alors, j'ai été, ouais... vraiment dans le modéré. C'est un gilet qui est à ma mère et je le trouve un peu harlequin. Il est harlequin parce que il y a une manche noire puis il y a une manche verte. Il y a des gros triangles jaunes qui pointent le bas. Et d'autres formes géométriques, là. C'est sympathique, c'est sympathique. C'est surtout très coloré et c'est surtout que ça me ressemble pas du tout. Mais en même temps, je me suis dit, soit je vais avoir l'air de faire partie de la gang des costumés, soit m'avoir l'air d'un hipster. Fait que dans tous les cas, c'est pas si grave, là. Fait que, ouais, comme de fait, j'arrive pour la première chanson de Arf, puis finalement, on est deux, trois en fluo. Faut dire aussi que dans la thématique après-ski, tu peux aussi juste porter un bas de habit de neige. Fait que c'est pas nécessairement coloré, peut-être un peu moins apparent. Quelques lunettes aussi. Ah, ça, ben ça, c'est des professionnels, là. Moi, je pouvais pas me rendre jusque-là. Et c'est une petite crowd que j'ai devant moi et qu'il y a devant Arf, qui font dans le... Bah oui, c'est dans le rock, c'est un bon son, un peu hardcore, un peu grunge. Je suis un peu mélangée. Musicalement, j'ai vraiment fait une découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais dans la crowd, c'était tout petit. Il se passait pas grand-chose. Il y a eu un moment d'altruisme lorsque le guitariste a perdu son pic durant la toune. Là, il joue avec ses ongles. Et un autre musicien d'un autre groupe est allé bien tendrement prendre le pic et lui rendre. Et ça a été bien apprécié parce qu'après la chanson, il a dit « Merci, t'es un ange. » Ah, oh, moment de tendresse entre musiciens. Ah. Oh. Et sinon, ben bon rockeurs qu'ils sont. Et ce sera, oui, relativement le cas pour tous les groupes. Frasque! Fin de performance avec la bass qui garochait dans la salle. Bon, là, à la hauteur du stage de l'ESCO. Il faut dire aussi que tous les bands vont avoir joué moitié sur le stage, moitié, quelques musiciens plus en avant. Donc, en avant de la scène, mais tu sais, avec une distance de 10 cm, ça fait pas comme une grosse écart, là. Mais bref, ils lancent dans la salle. Et c'était un lancer qui n'a fait mal à personne puisqu'il n'y avait personne à cet endroit-là. Oui, elle est très... elle était distante, cette foule. Je vais poursuivre sur cette crowd après la pause musicale et aussi après la pause de l'entracte. Faut que je te le compte tout de suite, crowd, chers auditeurs de CISM, parce que j'ai vécu... Ah! J'ai vécu le pire quiproquo au monde à vivre dans un bar. C'est vraiment niaiseux. Tu sais, en tract, là, ça fait comme 3 semaines que je suis en amitié avec mon rhume grippe qui se termine jamais. Fait que je me gratte le nez. Tu sais, je me gratte le nez, mais comme juste en dessous du nez. Puis en même temps, bon, je sais pas, moi, j'observais la crowd, je me retourne la face, je tombe face à face avec un gars qui me voit comme me frotter le dessous du nez, puis qui me fait un mime de... Ah ouais, ah ouais. Il me fait vraiment un mime de moi qui me poudre. Je suis comme, oh non, pas un quiproquo. J'avais pas comme l'intention de savoir si t'en vendais ou que j'en voulais ou que je venais d'en faire. Fait que j'étais vraiment gênée. Puis là, j'étais comme, non, je me grattais le nez. Est-ce, ça a-tu l'air d'un gros... Genre, ça soit vrai que ça soit faux, t'es comme, t'es fait, t'as zéro crédibilité dans ton grattage de nez. J'étais comme, non, mais c'est pas ce que tu penses. Il était comme, ouais, c'est ça. Fait que voilà, j'ai vécu le meilleur quiproquo qu'on pouvait vivre en se grattant le nez. Fait que maintenant, maintenant, on va le savoir, là, faut pas se gratter à des moments quelconques dans une soirée quand. Ouais, malaise. Hey, tant qu'à avoir des malaises, on va continuer en musique parce que c'est Dessin Gomorrah qui va suivre. Et ils sont très bons et j'avais vraiment très, j'étudie out, très out. J'avais manqué leur lancement cet été à la Vitrola et j'ai comme vraiment trop écouté leur EP debut. Et on va écouter qui? Se retrouvent aussi sur leur long jeu Executioner Style. Saint-Gomas sur les ondes de CISM, le 89.3 FM, Executioner Style, qui est une des chansons que j'ai le plus écoutée cet été. Là, j'écoutais en boucle, je l'écoutais en boucle, je t'ai dit en boucle. Vraiment, beaucoup trop et beaucoup trop fort aussi. Je crois que ça a un impact, le fait que... chez moi ou dans mes petits écouteurs bien cheap. Je l'écoutais à des niveaux très, très élevés et peut-être, alors même en studio, là, j'ai vraiment mis le son plus fort que d'habitude. Je trouve que, le vibre vraiment fort et que t'arrives en spectacle puis tu trouves jamais que c'est assez fort parce que je me suis comme conditionnée en tant qu'auditrice de l'écouter fort. Et là, dans le crowd, j'étais comme, il me semble que c'est plus intense chez nous. Il me semble que... Oui. Je crois que c'est... c'est déjà comme juste des habitudes d'écoute bien personnelles. Et en plus, comme j'ai mentionné, mais j'ai écouté trop le EP. Oui, l'album est sorti, puis oui, je l'ai écouté, mais j'ai trop écouté le EP. Fait que il me semble qu'il y avait des tunes qui m'échappaient, puis je me disais, Jolaine, c'est juste parce que t'as écouté comme les 5 mêmes chansons sans arrêt pendant tout le mois de juillet, là. Fait que je vous suggère quand même d'aller vous procurer Dig Up and Destroy parce que tout comme moi, c'est bien préférable de connaître toutes les chansons au lieu de juste 5 parce que tu réalises que t'écoutais juste le EP. Mais revenons à la crowd, revenons au spectacle. Là-dessus, oui, il y a des ressemblances pour les trois groupes, tant pour la crowd que pour l'attitude des musiciens, le chanteur qui va aller se promener dans la foule, un peu, tu sais, une attitude quand même tapageur, garoche sa guitte, va à terre, tombe le micro, ça prend de la place. Et inversement, dans la foule, c'est calme. Oui, c'est calme. Bon, à quelques exceptions près. Mentionnons les exceptions parce que c'est fort agréable, les exceptions. Mentionnons le skieur Taquin. Alors, effectivement, il est bien costumé et Taquin, tu sais, il taquinait les gens autour de lui qui étaient visiblement aussi ses amis. Alors, tentative de s'énerver, d'un peu plus s'amuser avec plus de mouvement. Ça marche, mais ça n'a pas attiré plus de gens à la participation. Par contre, il y a une jeune demoiselle qui vraiment danse. Elle est là pour elle. C'est tout à fait authentique. Ses mouvements. J'avais l'impression de me regarder dans un miroir. Tu sais, comme, je sais pas, mais quand je danse, que je vais voir un show d'électro, de métal, de rock, je finis par avoir relativement les mêmes mouvements parce que j'ai décidé que... Tant qu'à aller voir une trop grande variété de spectacles, je vais danser à ma façon. Puis justement, elle avait ça, elle. Tu sais, j'aurais pas pu l'imiter. Elle était unique et je trouvais ça beau. J'étais comme, s'en fout tellement de tout le monde. Ça me rappelle quand je suis toute seule dans la crowd, puis je suis comme, yeah, je vais m'amuser, puis on s'en fout du reste. Et elle était quand même plus intense, par contre, que je ne pourrais moi-même m'imaginer, puisqu'elle headbangait quand même fort. Elle s'amusait. Ça allait vraiment par parcimonie, là. C'était pas tout le temps. Mais, à un moment donné, elle s'est carrément agenouillée devant le chanteur pour headbanger. Et j'avoue que ça, faut le vouloir, faut le faire. Et, avoir l'intensité aussi, le momentum, ou peut-être juste la proximité avec le groupe. Je sais pas à quel point je me permettrais. Surtout, on va se le dire, c'est intime, l'esco, là. Il était comme dans sa face, là. C'est pas genre, je headbang devant toi, Métropolis, là, avec un gardien de sécurité entre toi et moi, là. Non. Dans sa face, dans ses genoux, à genoux, dans ses genoux. Et c'est la proximité entre fans et musiciens, c'était plus que vrai à ce moment-là précis. Autrement, dans la foule, quelques petits tiraillages. J'ai cru une tentative de trash entre un pharaon et un squelette. On se rappelle que c'est l'Halloween, fait que les gens sont costumés et ils ne sont pas tous après-ski. Et il y a aussi Ninja Turtle qui a décidé de s'imposer au milieu de la foule. C'était une imposante Ninja Turtle, fait que, il prenait de la place. C'est un grand ninja, un grand turtle. Continuons avec Mardi Noir. Je pense que c'est ma chanson préférée de l'album Le Grand Réveil, alors écoutons Le Palais de Mélamine. We'll be right back.

du rock pour tes oreilles de rocker, chers auditeurs de CISM. Vous écoutez toujours Critique de Crowd et vous avez entendu Jackpot Trigger et la chanson à contre-courant qui se retrouve sur l'album, ben, qui porte leur nom, Jackpot Trigger. Et vous avez aussi entendu Crooked Bangs, Evil Eyes, et je sais que je suis pas capable de dire yeux en anglais, je me lance toujours en glace pis yeux, fait que j'espère que tu l'auras compris. Avec la chanson Le Mauvais Oeil. Ben oui, là, dans les deux langues, leur chanson. Et voilà, c'est des groupes que j'adore et je voulais faire une belle continuité rock, puisque avant les publicités, je faisais la critique de Crowd, de cet après-ski 1989 à l'ESCO de Sangomas et Mardi Noir. Mardi Noir qui a clôturé la soirée et c'est quand même un peu... je trouve ça toujours gênant ou triste, comme... C'est toujours triste, comme... Je suis fière le dernier groupe, il y a moins de monde. Ah! Oui, moi, ça, d'habitude, c'est beau quand ça fait un build-up, tu sais, une gradation, on voyait, mais aussi toujours la complexité entre il n'y a pas de tête d'affiche exactement et c'est plutôt une belle rencontre avec des groupes. Alors, des fois, on ne sait pas exactement quel groupe va attirer le plus de gens ou tout simplement à quelle heure il va passer parce que, aïe, le facteur métro, transport en commun, ça peut toujours jouer. Ah oui, ça pèse dans la balance. Ou en tout cas, ça pèse dans la mienne, là, mais c'est une autre histoire. Hey, Mardi Noir, c'est peut-être pas le groupe qu'on entend le plus parler ces temps-ci parce que leur premier album, Le Grand Réveil, est sorti en novembre 2012. Mais si tu les connais, tant mieux parce que t'es gâté des oreilles. Je l'ai réécouté récemment puis je me disais, mon Dieu, que c'est encore bon. J'étais heureuse de le redécouvrir et de le réécouter. Et sinon, c'est un des projets d'anciens membres des Psycho Riders, le nom, Caféine. Alors voilà. Des bons habitués du rock au Québec. Dans la foule, ça garde la même corrélation sur l'intensité, la proximité avec le groupe. Ouais, et les mêmes intentions. Tu sais, le skieur de tout à l'heure, ben, il continue à taquiner ses copains. Il taquine. Il y a toujours... ça, c'est drôle, mais c'est vrai, à l'ESCO, il y en a toujours un. Tu sais, le gars posé. Tu sais, il y a toujours un mur de briques là, entre l'entrée et la scène là, qui fait juste séparer l'entrée et la scène, là, littéralement. Mais il y en a toujours un qui est comme un peu accoudé, là, un peu trop relax, un peu d'attitude. Tu sais, faut que tu sois assez habitué de l'ESCO pour aller te mettre là parce que t'es beaucoup trop proche du Ben. Puis en même temps, t'es toujours le plus détendu de la foule. Tu sais, le gars avec sa grosse 50, là, puis il est comme, je regarde le show avec un bel angle. Il y en a d'autres, par contre, qui ont décidé de s'énerver. Je ne sais pas s'il était costumé, je l'ai pas pris en note, mais il était assez énervé pour que je puisse m'en souvenir tout à fait parce que c'est tout à l'heure, durant le second mars, il y a une fille qui a headbangé à genoux devant le chanteur. Cette fois-ci, il y en a un qui s'est carrément frotté sur lui. Et ouais! Mouvement de twerk, et ça paraît que tu le fais pas souvent, parce que je suis pas capable de le dire. Ouais, je te jure quand même, c'était un peu coquin, mais non, tu sais, c'était grivois, mais rigolo, là, fait qu'il twerkait à un certain niveau d'humour. Mais c'était quand même, décontenançant, parce qu'on s'y attendait pas trop, et visiblement, ça sentait, l'amitié, parce que je pense pas que tu peux te le permettre autrement. Comme, les circonstances apportaient pas du tout à ça. Et une foule tranquille, je peux pas. Des fois, je regarde la foule, puis là, tu sais, je me dis, qu'est-ce que le détail qui pourrait être différent d'une autre foule? Mais elle est calme, elle tient sa bière, elle écoute le spectacle, elle est heureuse. Oui, Mardi Noir, je pense qu'il y a des morceaux, tu sais, qui ont une certaine lourdeur qui pourrait amener un certain type de mouvement, mais non, il se passe pas grand-chose. Et j'ai trouvé ça très confrontant dû au fait que le Ben a fait plus qu'une fois des mentions sur le fait qu'on était pacté ben raide. Et je disais, oui, on est dans un débit de boisson. Effectivement, il y a des gens qui se boivent de l'alcool. Mais au final, tu sais, le monde était tempéré, modéré même dans leur consommation. Fait que c'est... Bon, faut dire aussi que dans le groupe, il y a un des membres qui venait juste d'avoir des jumeaux. Fait que je sens qu'il y avait comme la vie remplie de sagesse qui devait mettre un aura au-dessus du groupe. Mais là, tu sais, la première fois, c'est drôle. Il dit qu'on boit trop. C'est comique. OK, après 3-4 fois, là, j'étais comme, OK, ça suffit, là. Comme, on n'est même pas dérangeant. Tu sais, s'il y en avait un baveux qui renverse sa bière, s'il y en a un qui gosse. Tu sais, je dis pas, mais là, ouais, peut-être à part le gars qui twerk, peut-être. Mais, non, sinon, j'ai trouvé ça exagéré. Je me sentais pas à l'aise. J'étais comme, voyons, je suis bien gênée. On va pas me mettre à boire plus juste pour leur donner raison. Fait que moi, j'ai trouvé ça particulier parce que oui, ça peut donner de la complicité entre le groupe et le public. Mais d'autres fois, ben, ça a été mon cas. Je me suis carrément sentie gênée. C'est triste, hein? Mais ça change pas toute l'affection que je porte pour ce groupe. Surtout qu'ils vont sortir un nouvel album pour l'an prochain. Ils ont testé une couple de nouvelles tunes. C'était joyeux, ça remplit mon cœur de bonheur. Et en même temps, je me suis posé quelques questions par rapport au rock. Et justement, ce calme bien flagrant dans sa foule... de l'attitude, de la retenue. Était-ce une forme de gêne? Oh, on peut toujours accuser ça. Parce que oui, si on avait été quelques-uns de plus à s'énerver, moi-même, j'étais super calme tout le long. Fait que peut-être que ça aurait fait un effet d'entraînement. Je me suis demandé, et là, je trouvais que je poussais ma loque un peu, si c'était une question d'anachronisme. Tu sais, rock'n'roll. Oui, la plupart des groupes qui ont joué ce soir-là avaient aussi une tangente punk. Mais c'était quand même plus rock. Mais en même temps, c'était très, très rapide comme musique, comme Sangobos. Fait est-ce que ce serait un anachronisme de trasher? Parce que ça n'existait pas dans le temps du rock. Là, je veux dire, c'était déjà géré avec la mixité ou tout simplement comme culturellement. Ce serait plus ou moins valable à moi d'être vraiment puriste, là. Mais tu sais, non, voyons, il doit pas avoir une raison simple. Et la raison aussi simple et plate, ben c'est l'âge. Ben oui, je veux dire, les bands sont quoi, dans le trentaine, quarantaine, la crowd suit avec. Bah, effectivement, il paraît que l'âge, des fois, ça calme les gens. Ça le pousse moins à se pousser, ou à s'énerver, ou à trop boire. On va accuser cette raison-là aussi pour la densité, le fait aussi que vieillir fait en sorte qu'on sort moins puis on devient pépère. Mais ouais, je m'explique mal encore ce calme parfois. Oui, justement, je crois qu'il y a beaucoup l'effet d'entraînement dans la foule qui est beaucoup à considérer, mais quand même, c'est pas la première fois que je vais voir un show de rock. Je me dis, ah, il y a tellement de potentiel, ce serait tellement beau, je l'écoute tellement fort chez nous, et que c'est très calme. Mais comme je vous dis, ça a été un bon spectacle, très bon, les groupes performaient parfaitement, et en même temps, ben, c'est pas les shows de ma vie, parce qu'il y a pas eu comme un engouement, pas d'allure, mais somme toute, c'est des groupes que j'aime, et je vous invite à les découvrir ou redécouvrir de Sangomas, Arf et Mardi Noir. On va continuer en musique avec Fudge, qui est en prestation ce soir dans le cadre de Coup de cœur francophone. On va écouter la chanson Innocent. Je me contrôle, je me contrôle, puis je me contrôle, je me contrôle, puis je me. Je me contrôle, puis je me contrôle, je me contrôle, puis je me. Je me contrôle, je me contrôle, puis je me contrôle. Toi, tu comprends pas pourquoi. Je me contrôle, puis je me contrôle, je me contrôle. Je me contrôle, je me contrôle, puis je me contrôle, je me contrôle. Je me contrôle, je me contrôle, puis je me contrôle. Toi, tu comprends pas pourquoi. Pourquoi, mais tu prends pourquoi, mais tu prends pourquoi. Drette Sec, ça finit de même avec Fudge sur leur EP. La chanson s'appelait Innocent! Vous écoutez Critique de Crowd avec Jolene. Et oui, j'ai mentionné qu'ils étaient en spectacle dans le cadre de Coup de cœur francophone. Et à chaque semaine, je vous fais des suggestions de spectacle, mais je vous dirais que cette semaine, c'est pas mal mur à mur Coup de cœur francophone. Fait que allez découvrir cette programmation. Et qui sait, vous allez peut-être me croiser parce que je vais être en train de m'énerver entre toutes les salles puis vouloir tout voir. Fait que... Si vous voyez quelqu'un courir, ça se peut que ça soit moi. Hey, on va continuer tout de suite en musique avec de jolies chansons, justement francophones. Et elles sont fort agréables. La mort de Velvet et Magicien de Double Dead with Death. Yeah. venez d'entendre Magicien de Double Date with Death et vous avez aussi entendu Vulvette, la chanson La Mort. Ils sont respectivement en 12e et 26e position du palmarès francophone de CISM, CISM893.ca pour toutes les autres tunes parce qu'il y en a 30 dans tout. Et voilà! Hey! Critique de crowd! Ben oui, comme en début d'émission, là, c'était juste du rock, du rock, du rock. Effectivement, c'est pas mal mon dada, mais... Je suis allée voir Tiga et non, je ne suis pas à mes premières critiques de crowd de musique électronique. Et il faut que je vous l'avoue, chers auditeurs de CISM, si je suis si bien informée, c'est parce que j'ai des sources précieuses dans la vie. Et ces sources sont des personnes, et ça inclut Maxime Leduc, qui est en ce moment en studio. Dis allô! Allô? Allô! C'est un cher ami que j'ai rencontré au pique-nique électronique. Mm-hmm. Et depuis ce temps-là, ben, à chaque fois que j'ai une question à propos de la musique électronique, ben, j'y pose des questions et il fait mon éducation techno, tech, tu vois, je suis plus capable de faire des sous-genres. Ouais, ouais. Justement, comme la semaine dernière, il m'a envoyé un meme faisant la différence entre le house et le techno avec des bananes qui deviennent brunes. De plus en plus noires. Oui! Fait qu'on a l'éducation qu'on peut... Mais je remercie pour tes couleurs et ta compréhension. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, ben, je vous invite à y écrire. Vous serez ses élèves et ils pourront ouvrir une école d'enseignement sur la musique électronique. Est-ce que c'était un de tes projets de vie, Maxime? Pas particulièrement, mais c'est pas la première fois que je dois... éduquer certaines personnes à cet univers. Effectivement, et je crois que c'était une des dernières journées du Red Bull Music Academy parce que ça durait tout le mois, Red Bull Music Academy, du 24 septembre au 28 octobre. Oui, c'était pour mettre en valeur la musique canadienne, mais il y avait aussi des invités internationaux. Cette fois-ci, je pourrais quasiment dire que c'était un mélange des deux puisque c'était Tiga qui jouait, c'est-tu le bon verbe pour des musiques électroniques? Il jouait sa musique, ouais. Ah, il jouait sa musique, certain, au théâtre Berry et il vient d'ici, il vient de Montréal, mais sa carrière est internationale. Éclaire-nous sur Tiga. C'est en fait un des pionniers de musique électronique à Montréal. Il a fondé un label qui s'appelle Turbo Recording, donc il a toujours été actif dans la scène électronique à Montréal. Donc on peut vraiment dire que c'est lui qui a fait qu'il y ait une scène à Montréal, avec d'autres personnes évidemment, bien sûr, mais... C'est un des premiers, donc il a vu du chemin, puis il est encore là, puis il nous présente un live qui est très bien peaufiné, donc... Ben oui, c'est à vrai dire, c'était une grosse préparation oui. Avec le réalisateur de son dernier vidéoclip qui a fait la mise en scène aussi pour les projections. Il y a eu d'autres éléments tels qu'un danseur mm-hmm. à la toute dernière chanson, des mannequins en plastique. Bref, c'est une mise en scène qui est peu habituelle là, dans le domaine électro parce que de la projection, ça, j'en ai vu de toute façon assez ouais. fréquente. Oui, la projection, c'est une des premières choses qui peut être rajoutée à une performance de musique électronique pour, entre autres, rajouter l'art visuel. On rajoute un VJ, puis c'est une chose relativement simple. Après ça, on peut s'éclater avec la vidéo. C'est une façon de combiner des artistes puis de rajouter à ton événement. Mais effectivement, là, c'était vraiment la vidéo combinée avec l'éclairage, avec la mise en scène. Tout, tu sentais vraiment qu'il y avait comme... Une uniformité. Exactement. Ah, oh, merveilleux. Tu m'as fait arriver à l'avance parce que tu m'as dit, il faut absolument voir Mathias Aguayo, que j'ai aucune idée c'est qui. Fait que c'est qui Mathias Aguayo finalement? Mathias Aguayo. Déjà, je le mentionne. C'est une étrange bébite de performance, de danse, de chant et de musique électronique. Lui, ça fait très longtemps que qui est quand même là aussi, ça fait... Mais lui, il a une... Mais il est assez... ici? Non, pas du tout. C'est un Péruvien, je crois. D'accord. Et il fait de la musique électronique, il est allé à Berlin, tout ça, puis ben, ça toujours... il a toujours une saveur un peu latino à sa musique, puis tu sens qu'il se prend pas au sérieux, qu'il y a du fun dans sa musique, puis c'est vraiment le fun. En fait, lui, sa première partie, tout le monde croit qu'il fait un live, en fait. J'avais plein d'amis qui pensaient qu'il allait faire son live. Là, c'est le moment qu'on fait une parenthèse, puis il faut que tu m'expliques et que tu expliques aux chers auditeurs néophytes de musique électronique, c'est quoi la différence entre un live et un DJ set? C'est un DJ set qu'il a fait? Effectivement, c'est ça. Il a fait un mini bout de live, c'est-à-dire qu'au début de sa performance, il a chanté, il s'est enregistré. OK. Et il s'est réenregistré par-dessus lui-même, combinant plusieurs couches de sa propre voix. Il a fait une chorale de lui-même. Une chorale de lui-même. Ah! Les voix, les percussions, les chants. Et en même temps, il dansait, bien sûr. Donc, ça a été le début était live. Puis, il a progressé vers un DJ set où il faisait simplement jouer les chansons des autres. Les chansons qui l'inspirent présentement, une à la suite de l'autre. Parce que DJ set, c'est de faire jouer des compositions des autres qu'on remixe sur scène. C'est ça la vraie différence. Qu'on mixe, qu'on fait jouer une à la suite de l'autre, effectivement. C'est ça, c'est qu'on va puiser dans le répertoire des autres artistes. Tandis qu'un live, c'est vraiment toi qui performes tes propres chansons, une à la suite de l'autre. Et la mixité des deux, ben, des deux types de prestations qu'a fait Mathias, est-ce que c'est une pratique commune? Il y a plusieurs artistes, effectivement, qui vont juste rajouter un petit morceau ou deux qui peuvent performer live avec des drum machines ou des synthétiseurs par-dessus un DJ set des chansons des autres. Donc, c'est pas rare de voir ça. Mais lui, étant donné qu'il a déjà fait un live, on s'entendait bien sûr qu'il fasse un live pratiquement au complet. Mm. Mais bon, la mention live n'était pas sur l'événement, donc c'est moi qui m'ai proprement introduit en erreur. Mais il est revenu quelques fois avec des lives où il s'enregistrait par-dessus son DJ set et à la fin aussi, il a terminé. Donc, il a terminé avec une portion live combinée avec un DJ set au centre. Eh bien, ben, si toi, tu t'es fait accroire des choses et que tu as rêvé, je le mentionne parce que je pense que c'est un petit peu biaisé ma critique de crowd, c'est que je suis revenue chez nous pour faire une sieste avant le show. Fait que j'étais complètement perdue. Tu sais, comme, là, c'est peut-être juste ceux qui se mettent du mascara là, qui vont se sentir concernés, là, mais tu sais, je me suis réveillée chez nous, il est 10h le soir, puis là, je fais, tu sais, tu te sens un peu dégueu, mais tu sais que la soirée est encore jeune. Je me suis regardée dans le miroir, j'étais comme, OK, on arrive à l'avance, puis on va aller voir Mathias. Puis au lieu de, tu sais, me démaquiller comme je ferais avant de me coucher, j'ai juste comme remis une deuxième couche. J'étais comme, let's go, Jolene, on sort à soir. Fait que c'est un peu dans l'esprit de, je me sens comme à moitié réveillée, un peu comme si je vivais comme dans Fight Club. Tu sais, tout pouvait être vrai, tout pouvait être faux, mais on n'a pas parti de club de bataille, fait que c'est toujours ça de prix. Non, aucune bataille. Aucun mosh pit, on vous le garantit. Et là, vous se découvrez de vous-même, chers auditeurs de CISM, Mathias Guyot, parce que j'ai pas d'extrait à vous envoyer. Par contre, on va tout de suite écouter Tiga avec la chanson My Dimension sur leur album. Ciao! Look into your eyes, I see the future. Mind dimension. Every time I look into your eyes, I see the future. Every time I look into your eyes, I see. I see the future. J'espère que tu as bien apprécié ce classique de Tiga, parce que non, je n'ai pas mis son plus récent album avec, entre autres, Bugatti, qui a quand même bien levé durant le spectacle. Hey! On peut peut-être un peu revenir rapidement sur Mathias, puisque c'est à ce moment-là que je suis arrivée dans la crowd qui était pas hyper nombreuse, parce que Théâtre Berry, c'est grand, c'est grand. Je pourrais pas dire la capacité. Est-ce que tu as une idée? Aucune idée. Ah, bon, on va pas dire des chiffres au hasard, on n'est pas au bingo. Fait que... Ouais, c'était... On a mentionné l'aspect un peu déjanté de Mathias dans sa musique. Mm-hmm. Ça peut être assez déjanté, ça peut être un peu perturbant. Il y a des moments dans la foule, là, ça arrêtait complètement parce que, comme si ça dérapait, j'ai l'impression qu'il aurait fallu danser son épilepsie là, pour que ça fonctionne. C'est comme frénétique et quand même, oui, assez intense. Et... Halloween de bonheur quand même, parce qu'on était un jeudi. C'était l'occasion de voir toutes sortes de spécimens. Oh oui, dans la foule, les gens dansent de façon tout à fait variée. Mais il y avait aussi comme deux cow-boys, un chat. Il y avait une faux, mais pas de faucheuse. Fait que la mort a juste laissé traîner ses accessoires, puis elle les a laissé danser. Et il y avait aussi un sultan. Et là, au début, je trouvais qu'il dansait beaucoup, puis il était vraiment comme... il avait une très grande proximité physique avec les gens. Pas genre, je danse de façon collée, serrée, mais plutôt, je suis camarade avec tout le monde. Là, tu sais, le sultan, il prend de la place, mais en plus, il est pas subtil, c'est un sultan. Fait que là, je suis comme, voyons, c'est vraiment de la place. Fait que là, je suis allée voir le spectacle avec Maxime. Fait que là, j'ai dit, tu le connais-tu, le sultan? Ben oui, c'est Frank. Tout le monde connaît le sultan, voyons donc. Mais littéralement, il connaissait tout le monde. Fait que si je comprends bien, ce soir-là, il y avait effectivement de la crowd, mais il y avait bien des gens qui sont des habitués de la scène électro. Oui, il y avait beaucoup de gens de l'industrie, en fait. C'est quand même un petit gars, c'est un de ses premiers... je pense que c'est son premier live qu'il fait. Donc, il est à Montréal, il est dans sa ville. Beaucoup de gens ont travaillé de... près ou de loin avec Tiga. Donc, forcément, il a attiré beaucoup de gens de l'industrie. Donc, notre ami Frank. C'est qui Frank, finalement? Frank, c'est une personne qui fait de la promotion pour d'autres événements électroniques, qui travaille avec toutes sortes de soirées. Donc, Frank, pas Frank, là, en ce moment, à Montréal, c'est quoi les soirées? C'est quoi les lieux pour découvrir la musique électronique ou juste visiter les meilleures places à Montréal? Bien, il y a quelques endroits clés quand même pour la musique électronique à Montréal qui sont constamment électroniques, on pourrait dire. On parlait de Frank. Lui, c'est au Salon d'Aomé qu'on peut le croiser le plus souvent sur Mont-Royal. C'est un des châteaux phares de musique électronique à Montréal. Chaque semaine, il y a des soirées qui reviennent. Des soirées thématiques? Oui, en fait, c'est des soirées de c'est des gangs, c'est des groupes qui ont une soirée par mois, qui revient tous les mois. Donc, c'est une place. Après ça, ben, c'est certain qu'on a le stéréo. Stéréo bar aussi, qui est son petit frère dans le sous-sol. Son petit frère dans le sous-sol. Ouais, le petit frère ça, c'était pas sous-sol. Une phrase qu'il fallait ouvrir la radio parce que ça avait l'air douteux. Non, c'est ça, en fait, c'est que t'as un bar au sous-sol et t'as l'after du stéréo qui commence à 2h. Ah, fait que les fêteurs, ils ont juste à descendre les escaliers. À monter. Mais ils peuvent les descendre parce que des fois, ils ouvrent le bar à 8h. Ah, oh. Un after qui ne finit jamais. Exactement. Vous avez, il y a le Bleury. Le Bleury bar à vinyle, oui, qui est un peu plus, comment on pourrait dire, chaleureux, disco, house, hip-hop, jazz. Oui, justement, ouais. Je suis allée, puis c'était du jazz, fait que je trouve ça quand même, c'est quand même varié comme endroit. Ouais, c'est vrai que c'est chaleureux, on ne sent pas comme un non habitué non, de la place. Non, on fait tout partie de la famille, ouais. C'est une des choses très, très plaisantes de cette place-là. Par la suite, on a le Newspeak, qui est quand même récent, qui est jeune public, mais c'est très positif comme ambiance. Tout le temps des bons DJ quand même. Je pense qu'il faut arriver tard parce qu'à être allé au Newspeak, c'est l'inverse. Ça se remplit tard. Ouais, ouais, j'ai une expérience assez frette. Ouais, ça prend un certain temps, donc. Mais bon, si vous avez des amis qui vous accompagnent tôt, vous pouvez certainement vous faire du fun tôt. Ben oui, moi j'ai toujours trouvé que c'était un des défauts parce que oui, n'importe quel genre musical peut, ben n'importe quel nom là, mais quand même en pensant au rock, au punk, au metal, tu sais, il y a des shows qui peuvent commencer de bonne heure, d'autres qui, ouais, peuvent être plus tard, dépendamment le lieu et évidemment le groupe, mais en musique électronique, j'ai tout, ben, à part les pique-niques, j'avais l'impression que c'était difficile d'aller voir un show de musique électro à 8h, mettons. Ben, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Tu as raison. Faut être fêteur. Ouais. C'est certain que dans les cas des festivals, comme Mutech, ah, mais oui. Ça, t'en as qui commencent quand même, qui est toute la journée, qui se poursuit le soir, tout ça. Ça, c'est là qu'on peut avoir des événements électroniques plus tôt. Mais ouais, c'est effectivement. Ça commence souvent tard. C'est oui, comme je te l'ai compté, puis je l'ai compté en ondes il y a une semaine ou deux. C'était dans un loft désaffecté. Et est-ce qu'il y a des endroits que tu peux recommander plus que d'autres ou qui sont plus fréquents dans leur visite de crowd? Ben, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment les endroits qui portent attention à leur booking d'artistes, okay. qui tient à ce qu'il y ait une certaine uniformité, une qualité, tout ça. Donc. C'est vraiment les meilleurs endroits électroniques. Certains, j'en oublie. Là. Je veux pas blesser personne en les oubliant, mais... De toute façon, si on en oublie, je les repartagerai sur le Facebook de Critique de Crowd avec les adresses, pis tout. Hey! En plus, là, on a parlé de notre cher Sultan qui connaissait tout le monde. Moi, ça me... Je suis comme contente d'avoir été avec toi parce que j'aurais fait la Critique de Crowd tout seul. J'aurais juste dit comme... Voyons, il connaissait bien tout le monde, le Sultan. Il était bien gentil avec tout le monde. Il sort d'où, lui? Ben, il sortait pas de nulle part, finalement. C'était juste moi qui étais mal renseigné. Mais il y a aussi l'inverse. Ah, mon Dieu! Je sais pas si toi, ça t'arrive souvent, mais moi, je joue un peu trop souvent à ça. C'est le jeu... Ta face me dit de quoi? Mais je suis un peu perdue. Genre, des fois, il y a des traits de visage qui peuvent me rappeler quelqu'un, mais c'est pas du tout la bonne personne. Mais cette fois-ci, ça, je le connaissais. Mais je savais pas pourquoi, ni comment. Fait que là, je me suis arrêtée devant lui dans le crowd, j'ai dit, je te connais, ta face me dit de quoi? On se connaît. Et j'ai dit, ah ouais? Puis pendant un bon 2 minutes, on a cherché vraiment fort c'était quoi notre point en commun. Et finalement, c'est le photographe de CISM durant les événements des lancements, les parties de Noël. Fait que c'est l'être obscur qui est comme toujours tapis dans l'ombre dans les parties. De CISM. Puis là, ben, il était juste spectateur. Fait que, tu sais, pas d'appareil photo, là. J'ai cherché longtemps. Fait que, voilà. C'est dangereux comme jeu, jouer à devine t'es qui. Je suis comme, voyons, pourquoi on se connaît? Ta face me dit de quoi? On dirait un mauvais pick-up line pour cruiser du monde. Mais non, tu sais, c'est juste comme, ta face me dit de quoi? Puis je veux vraiment, comme, faut que je satisfasse mon cerveau, parce que sinon, je vais y passer toute la soirée. Hey de chez Hey, je me trouvais très très drôle dans mes choix musicaux cette semaine parce que petit gars, je savais que j'allais tout le temps dire petit gars, comme un petit gars. Fait qu'il y a deux chansons qui s'appellent Petit gars de Lisa Leblanc et une reprise de Félix Leclerc par Bernard Adamus. Attends-moi, petit gars. Chargé sans fusil d'épaule depuis qu'elle a mon temps. Et t'as moitié

En hommage à mon manque de prononciation, Tiga. Alors, on a écouté des chansons qui s'appelaient Tiga, Tiga, Lisa Leblanc sur son nouvel album Why You Wanna Leave a Runaway Queen et Bernard Adamus et sa reprise de Félix Leclerc. Attends-moi, Tiga. Et au spectacle de Tiga, bien évidemment, il y a de la danse. Il y a même de la danse à l'entracte parce que, Seigneur, ça chantait fort. Oui, les chansons étaient fortes aux entractes. Maxime, t'as mentionné, à hors d'onde, là, désolé, chers auditeurs, mais vous l'apprenez maintenant, que durant tout le Red Bull Music Academy, la musique était forte. Moi, je suis juste allée voir un show de drone, fait que j'avoue, je l'ai pas tant remarqué, là, c'était en plus la musique classique entre le drone. Mais toi, t'as remarqué ça? Dans les quelques événements que je suis allée, effectivement, les événements électroniques étaient relativement forts. Mais forts, genre quasiment plus forts que le set en tant que tel. Ça prenait des bouchons, disons, là, pour... Est-ce que c'était pour garder l'ambiance? Moi, c'était mon hypothèse. Sinon, je vois aucune raison à part se péter les tympans. Pour durant l'entrée, j'avoue, c'était peut-être le but de garder une certaine intensité ou garder les gens dans l'ambiance, ouais. Je pense que c'était peut-être ça, le but recherché. Peut-être, parce qu'il y avait quelques, appelons-les nos solitaires intenses. Oui, ils dansaient très, très, très intensément et ils étaient seuls, mais ils continuaient tout le long aussi, à l'entracte. Après, tu sais, ils se calmaient un peu à l'entracte juste pour se garder d'énergie, puis après ça remontait durant le petit gars. Et aussi, après ça s'est vidé pour la troisième partie. C'est qui, le troisième set? Hein? À la toute fin, c'était les Martinez Brothers, qui est un duo DJ international aussi, là, vraiment reconnu à travers le monde, qui font pas mal tous les festivals. Ils étaient là pour terminer la soirée avec un DJ set, justement. Avec, ils jouaient beaucoup de classiques, de classiques électroniques, des tracks des années 90, des tracks plus récentes, tout ça. C'est vraiment juste pour terminer la soirée, pour ceux qui désiraient rester. Je trouve ça tellement aigrant, en plus. C'est les derniers, puis c'est plus comme le temps que tout le monde part, tranquillement, pas vite, vous allez jouer. Ah, ben non, c'est tout simplement juste pour compléter la soirée, pour terminer, pour... Ouais, c'est vraiment une autre façon de voir, tu sais, au lieu de mettre comme le spectacle comme un climax, puis bang, c'est fini. Mm-hmm. Là, c'est plus comme gros moment de la soirée, puis là, tranquillement, ça adoucit, les gens partent un peu, mais parce que c'est un fait, il y avait moins de crowd. Effectivement. Sinon, là, c'est... Aïe, aïe, aïe. J'essaie beaucoup d'associer danse et type de musique électronique ou tout simplement musique électronique en général. Et ça rend vert ou mauve la face à Maxime parce qu'il trouve jamais de réponse. Parce que j'y ai posé souvent la question puis ça marchait jamais. Par contre, en tant que critique de crowd, je peux te mentionner quelques mouvements qu'il y a eu dans la foule, mais qui n'ont pas de genre exact. Tel que, évidemment, il y a quelques groupuscules qui vont danser. Parce que c'est toujours plus pratique socialement de danser ensemble. Oui, il y a ces fameux solitaires intenses, mais justement, il faut un peu de guts pour pouvoir danser de façon aussi assumée. Et parmi ces gens, en groupe ou seuls, qui ont certains mouvements particuliers, il y en a toujours un qui saute sur place avec le poing en l'air. Je trouve qu'il soit dans un show punk ou metal, il pourrait faire l'affaire aussi, mais là, il est dans un show d'électro, même attitude. Il y a aussi, et ça aussi, ça fait quand même rocker, il y avait un gars qui soulignait son zipper, qu'il montait puis il jouait avec le col. Ça faisait vraiment rock'n'roll. Et il y avait aussi celui qui avait une danse. Là, tu vois que j'ai juste des inspirations de tout ce qui est une tangente rock, parce que là, c'était plus un move hardcore. Il y avait un point de distance. Tu sais, il avait le bras tendu face à lui avec un gros point, comme s'il s'attendait qu'il y ait un mocheur qui rentre dans la face. Mais il n'y aura personne parce que tout le monde dansait relativement à sa place. Puis, quand même le mentionner, on est beaucoup plus dans du dansouillage que de la danse bien officielle et bien affirmée. Il y a eu comme, durant Tiga, il y a eu comme 3 montées musicales. J'étais déçue dans un sens que ce soit comme, waouh, comme une montagne russe, mais mettons une montagne russe pour enfants. Tu sais, c'est pas des gros jumps, puis en même temps, tu sais, ça redescendait facilement. Il n'y a pas eu comme un gros pic musical. Oui, effectivement, les pics n'étaient pas nécessairement allongés, je te dirais. On sentait vraiment une montée précisément à ce moment-là. C'est le climax de la chanson, on l'a, et on a eu quoi, 3, 4, 5 moments comme ça durant la soirée. C'était une soirée, effectivement, qui montait, qui descendait en intensité, malgré qu'il y avait une bonne base d'intensité. On avait vraiment certains pics. Puis en même temps, ça montait un peu parce que, étant donné que c'était juste ses compositions à lui, oui, il y avait une progression. Il y aurait pu avoir aussi le phénomène « Ah, c'est ma toune! » Puis ça n'a pas été le cas. Il n'y a personne qui virait fou pour une toune particulièrement. C'était des petits moments précis dans certaines chansons, mais vraiment pas plus. Mm-hmm. Ouais. Et peut-être pour souligner, je pense que c'était mon move préféré dans les moves particuliers, c'est qu'il y a un gars, je sais qu'il avait aucune idée à quoi ça ressemblait, mais il faisait exactement le mouvement de la chanson « Pousse la nana et moule café ». C'était parfait, j'ai été nostalgique, ça faisait des années que j'avais pas vu ça, fait j'étais comme « Oh mon Dieu, ça existe encore !»« Pousse la nana et moule café, Attiga, c'est possible !» Hey, merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Oui, donner plein de petits détails que je ne saurais dire moi-même. Alors, continue de bien m'instruire en musique électronique et merci de partager le tout sur les ondes de la marge. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Puis, hey, c'est où que tu mixes des fois de temps en temps? Sur Internet. Je pensais que tu mixais encore dans un bar. Eh boy! Non, mais présentement, je suis beaucoup plus sur Internet avec mon podcast. Allez, plug-toi. Mon podcast qui s'appelle Config. Ça se passe sur un site web qui s'appelle chewy.tv, chew.tv, écrivez config ou tonets, T-O-N-N-E-T-Z, et vous allez me trouver. Tonets aussi sur Facebook, trouvez-moi, vous allez voir mes DJ sets électroniques ainsi que ceux de mes amis. Yes! Justement, on va finir avec la musique électronique dans toute sa variété, sincèrement, mais c'est tous des coups de cœur avec Maxime Robin, Millimétrique et Monsieur Oiseau. Merci beaucoup, chers auditeurs de CISM. Vous êtes toujours la crowd la plus adorable. Merci pour vos bons commentaires. N'oubliez pas d'écrire sur le Facebook de Critique de Crowd si vous avez des suggestions. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est bon pour la variété de Critique de Crowd. Sinon, je m'appelle Jolaine Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes. Et vraiment, merci beaucoup. Fait que je vous dis surtout à la semaine prochaine et profitez de ce bon moment musical. Passez l'île de Bintang, passez Malacca, passez Singapour, passez Selangor, se trouve une montagne merveilleuse, cachée par un nuage magique, d'où l'aîné des magiciens regarde vivre le monde. Thank you.